Nous sommes le samedi 31 octobre, c'est l'épisode 15 du podcast CapVG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue! Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. C'est déjà le 3e samedi sur ce village, dans une semaine on sera en approche du départ et qui dit J-7 dit, vous le savez, confinement. Certains skippers étaient encore présents sur les pontons aujourd'hui, on a aperçu par exemple Jean Lecam, Maxime Sorel, Boris Herman aussi, enfin arrivé de Hambourg hier. Sébastien Destremau, comme hier, et Didac Costa, eux, sont sortis en mer ce matin, ils se sont même croisés dans la baie des Sables. Mais là, ça y est, à partir de ce soir, tous les skippers sont obligatoirement à l'isolement. Ils ont réalisé aujourd'hui tous les tests Covid, à la fois sérologiques, pour savoir s'ils ont déjà été en contact avec le virus, s'ils ont des anticorps, dans quelle quantité, et aussi, surtout, un virologique, un PCR, pour savoir s'ils sont actuellement positifs.